J'avais donc à peu près oublié ces deux convives plus ou moins morganatiques pour ne penser qu'aux fresques découvertes par Don Griffi et au moyen d'aller au couvent de Monte Chiaro. J'étais dans le bureau de l'hôtel à discuter ce petit voyage avec le secrétaire, un ex-garibaldien, si fier d'avoir porté la blouse rouge d'Émile, qu'il en demeurait hébété de révolutionnarisme outrancier, tout en s'occupant, avec la plus recommandable activité, de l'eau chaude à envoyer au 6 ou du thé commandé au 11. On est trop indulgent pour ces conspirateurs, disait-il en me parlant des pauvres moines, au lieu de me répondre sur le chemin à suivre, le véhicule à prendre et le prix à offrir. Mes amies les Anglaises avaient, elles, profité d'une diligence, puis fait une partie de la route à pied. Je finis cependant par arracher au cavalier d'or Hannibal Cornacchini, ainsi s'appelait cet ancien compagnon du héros, la promesse qu'un cocher de son choix m'attendrait avec une voiture légère pour le Tocco. Quelle jolie expression que celle-là est digne de ce peuple, tout de sensation. Cela veut dire un coup de marteau et aussi, une heure après-midi, l'heure d'un seul coup de sonnerie dans l'horloge. Quel fut mon étonnement lorsque je quittai le bureau où la statuette bronzée du général en blouse et celle de Mazzini en redingote trônaient sous des annonces d'hôtel et que je me trouvai en face du jeune homme de la veille. Il paraissait m'attendre et il m'aborda non sans grâce. D'ailleurs, quel écrivain ne serait indulgent à la démarche d'un inconnu qui lui débite une phrase dans le goût de celle-ci ? « Monsieur, j'ai vu votre nom sur la liste des étrangers, et comme j'ai lu tous vos ouvrages, je me permets... » Il suffit d'être entré dans la publicité à un titre quelconque pour savoir le peu que valent ses compliments. Mais l'enfantine vanité de l'homme de lettres est telle qu'il s'y laisse toujours prendre, et l'on fait comme je fis. Car après m'être bien juré de ne pas gâter ma sensation de la chair et morne Pise par des causeries oisives et des connaissances nouvelles, j'étais 10 minutes plus tard à me promener le long du quai avec ce jeune homme. Une demi-heure plus tard, j'errais, encore avec lui, sous les voûtes du Campo Santo. À 1 heure, je l'avais décidé à m'accompagner jusqu'au couvent, et nous montions ensemble dans la carrozzella à un cheval qui devait nous conduire au Monte Chiaro. Cette soudaine intimité de voyage s'était organisée sans que j'eusse l'excuse de me rapprocher au moins de la jolie et naturelle italienne qui dînait avec lui la veille. Un de ses premiers soins avait été, bien entendu, de m'en parler. J'appris ainsi que cet inconnu aux traits si expressifs, à la pâleur si passionnée, aux gestes presque populaires, était une actrice d'une troupe en tournée à Florence, qu'elle avait dû repartir le matin pour jouer la comédie ce soir même et qu'il n'avait pu la suivre. Il ne m'en donna pas la raison. Je la devinais par tout le reste de son histoire qu'il me raconta dès la première demi-heure. Même sans l'attrait romanesque de cette petite aventure, le personnage m'eut assez vivement saisi comme le type très nettement dessiné de toute une classe de jeunes gens que je crois pourtant connaître assez bien. Mais on ne fréquente jamais trop les représentants de la génération qui vient. Comment leur être secourable, ce qui est notre devoir à nous tous qui tenons une plume, sans causer avec eux et beaucoup? Hélas, ce n'est pas des impressions de cet ordre que j'étais venu chercher sur le bord du glauque et mélancolique Arnaud. Devrais-je donc retrouver aussi un peu de ce que j'aime le moins dans Paris, toujours et partout, sans pouvoir me retenir de m'y intéresser comme si je l'aimais? Et ma curiosité de l'âme humaine ne cessera-t-elle jamais d'être plus forte que mes sages projets d'existence tout idéal parmi les belles œuvres d'art? Ce jeune homme s'appelait simplement du nom peu aristocratique de Philippe Dubois. Il était le 4e fils d'un universitaire assez haut placé, mais peu fortuné. Après des études brillantes dans son lycée de province, il était venu à Paris comme boursier, d'abord de licence, puis d'agrégation. Il avait passé ses 2 examens, et la protection d'un des amis de son père lui avait fait obtenir une mission en Italie en vue de recherches archéologiques. Cette mission était terminée du mois présent, et il rentrait en France. J'ai trop vécu durant ma jeunesse dans un milieu analogue à celui-là, pour ne pas m'être rendu aussitôt compte de ce que les conditions faites par sa famille à Philippe devait représenter de médiocrité serrée. Il devait ne lui rester que juste assez d'argent pour son retour. Voilà pourquoi l'actrice était partie sans qu'il la suivît. En résumant ici l'ensemble de ses confidences, je reconnais une fois de plus combien les faits extérieurs ne sont rien, et comme tout réside dans l'âme qui en ressent le contre-coup. Elle prend déjà une physionomie de jolie idylle sentimentale, n'est-ce pas ? Cette aventure survenue entre un jeune savant et pris de ce monde antique, où tout n'est que beauté, et une bonne fille d'artiste passionnée et désintéressée. Il a fallu se quitter. On a beaucoup pleuré. Puis on a accepté d'aller chacun où la destinée vous appelle. C'est tout le romanesque du caprice, cela, et toute sa poésie. Je n'eus pas de peine à constater que Philippe Dubois n'éprouvait aucune des émotions tristes et touchantes que comportait son petit roman. Il n'y avait pas la moindre nuance de tendresse dans les phrases par lesquelles il m'initia cette facile intrigue. Il ne laissait transparaître que la vanité d'avoir été aimé par une femme que j'ai su depuis être assez en vue. Mais quoi? S'il eût été l'amour naïf qu'il aurait dû être, aurait-il captivé mon attention, comme il fit, lorsque je découvris que toute cette existence de studieuse jeunesse n'avait été qu'un décor, de même que cette amourette n'était pour lui qu'un accident? Ce qui constituait le fond même de l'être chez ce garçon, c'était l'une des plus violentes ambitions littéraires que j'ai rencontrées depuis que je fréquente des débutants, et une ambition d'autant plus âpre que son orgueil, joint à une certaine timidité farouche, l'avait jusqu'alors empêché précisément de débuter. À travers les 4 ou 5 années d'arides études qui le séparaient de sa sortie du collège, il avait ainsi cultivé en lui le monstre littéraire dans toute la candeur cruelle que cette maladie représente. Il y avait en lui distinctement 2 personnes. L'une officielle et soumise, le fils de l'universitaire, en mission. L'autre, le romancier et le poète inédit, avec toutes les âpretés de rancune précoce que suppose la vocation comprimée. Cette dualité attestait une nature volontaire, mieux encore, supérieure par la souplesse et par la puissance de se dominer soi-même. Mais cette âcreté décelait en même temps une âme sans amour, et qui rêvait surtout, dans la carrière d'écrivain, les satisfactions brutales de la renommée et de l'argent. « Vous comprenez bien, » me disait-il, après m'avoir détaillé plusieurs scènes de ses relations avec la pauvre actrice, où il jouait un rôle suffisamment jeunesque pour se complaire à ce souvenir. « Vous comprenez bien que je n'ai pas laissé perdre ces émotions-là. J'ai presque fini un petit volume de vers que je vous montrerai. » « Ah, ce que j'en ai assez des tombeaux étrusques, des inscriptions grecques, et de ce travail de cuistre auquel je n'ai consenti que pour avoir un gagne-pain. Mais aussitôt, docteur, je demande un congé et je débute. J'ai dans la tête une série d'articles. J'en ai envoyé déjà quelques-uns à plusieurs journaux signés d'un pseudonyme. Ils n'ont pas paru. Je sais, ce sont des envieux qui les lisent. Il faut excuser les malheureux directeurs de n'avoir pas le temps de tout examiner eux-mêmes, lui dis-je. Ils ont des engagements pris. Et puis il faut bien admettre les situations acquises. « Les talents connus. »« Parlons-en, » fit-il en riant avec un rire amer, où j'achevais de reconnaître la colère sourde de l'écrivain inédit, déjà empoisonné par l'envie avant même de s'être mesuré à ses rivaux. Et il commença de me prendre un par un les écrivains les plus en renom de l'heure actuelle. Celui-ci n'était qu'un anecdotier sans pensée, celui-là qu'un imagier d'Épinal pour ouvrier, cet autre un Paul de Kock modernisé. Ce 4e, un intrigant de salon, habile à sucrer Stendhal et Balzac pour l'estomac affadi des femmes du monde. À tous, il accolait de ses basses anecdotes, comme il s'en colporte par milliers à Paris, dans ce petit monde enfantinement cruel des débutants littéraires. Je le laissais aller avec une profonde tristesse, non que j'attache une importance extrême à ces sévérités des nouveaux venus pour leurs aînés, dont je suis déjà. Elles ont existé de tout temps, et elles ont leur valeur bienfaisante. C'est le sarcasme de Méphistophélès qui contraint Faust à travailler. Mais je devinais sous cette espèce de dureté par laquelle il s'imaginait peut-être me plaire, en critiquant mes confrères, le pauvre enfant, une souffrance réelle. J'y retrouvais surtout cette excessive fureur d'orgueil prématurée propre à notre âge, j'entends, dans le monde de ceux qui pensent. Car autrefois, la dureté des ambitions était pareille, seulement elle sévissait moins chez les lettrés. Aujourd'hui que l'universel nivellement donne à l'artiste connu une situation plus brillante, au moins en apparence, les lettres apparaissent à beaucoup comme une chance de fortune rapide. Ils les abordent donc, comme d'autres entrent à la bourse, exactement pour les mêmes motifs. Il y a pourtant une différence. Le féroce de la coulisse ou de l'armise se sait un homme d'argent. Le féroce de lettres prend volontiers sa fièvre de parvenir pour une fièvre d'apostolat. Cela fait, vers 40 ans, si le succès n'est pas venu, des âmes terribles où les passions les plus douloureuses et les plus viles saignent à la fois. On l'a trop vu parmi certains écrivains de la commune. tout en écoutant discourir ce jeune homme, je sentais percer en lui le réfractaire enragé pauvre, mais c'était un réfractaire à la date du jour et de l'heure. Il s'était gardé à carreaux, par un fond de prudence bourgeoise et aussi par un goût de la haute culture qui eût dû le sauver, qui le sauverait peut-être. N'avait-il pas eu assez d'intelligence et de patience pour acquérir, malgré sa fièvre d'artiste cupide, une science, un métier? Et cela me donnait l'idée qu'une lutte devait s'être livrée, se livrer encore en lui. « Vous êtes bien sévère pour vos aînés, » lui dis-je, pour l'arrêter dans sa nomenclature de calomnie parisienne. « Je les connais toutes, elles sont si monotonement misérables et fausses. »« Vous verrez quand j'écrirai, » fit-il avec une fatuité à la fois naïve et scélérate. « Hé hé, il faut traiter nos devanciers comme on traite les vieillards en Océanie. On les fait monter sur un arbre que l'on secoue. Tant qu'ils ont la force de se tenir, tout va bien. S'ils tombent, on les assomme et on les mange. » Je ne relevais pas la jeune sauvagerie de ce paradoxe. Philippe Dubois me faisait poser, pour employer un mot très expressif, d'un argot un peu démodé. Je ripostais en l'interrogeant sur ses travaux d'archéologie, ce qui le mit visiblement d'assez mauvaise humeur. Puis je lui donnais nettement le conseil, sitôt rentré en France, de ne pas commencer par le journalisme et d'accepter une place en province, où il fut utile et d'où il débuta par quelques grands livres. Hélas, on m'a donné à moi aussi des conseils pareils, quand j'avais son âge, et je ne les ai pas suivis. Ce qui prouve que cette loterie de misère et de gloire qu'on appelle la profession d'homme de lettres tentera toujours de même certaines âmes de jeunes gens. Faut-il l'avouer? Je trouvais une certaine ironie, presque une hypocrisie, dans ce rôle de moraliste que je jouais auprès de lui. Cela me donna quelques remords, et puis, comme le fond de mécontentement intérieur sur lequel il paraissait vivre m'apitoyait, malgré tout, je finis par lui proposer cette excursion au couvent. Elle devait amener ce drame rapide à l'explication duquel ces trop longs préparatifs étaient pourtant nécessaires. Il ne s'agissait pour Philippe que de reculer son voyage de 2 jours. Il accepta, et nous partions comme 1 heure sonnait, suivant la promesse de l'ex-mille, dont je ne puis m'empêcher de citer encore un mot délicieux. Comme nous attendions le cocher, il saisit cette occasion de me communiquer ses idées sur le Parlement français actuel. « Ils ont perdu les traditions des révolutionnaires, » me dit-il, et après un discours terroriste que je ne transcris pas, il conclut, avec la plus comique mélancolie, « Enfin, je le crois même capitaliste. » Grâce à cette phrase, dont Philippe se divertit autant que moi, nous partîmes in high spirits, comme eût dit Miss Mary Dobson, moi très disposé, et lui de même, à jouir de la route. Celle qui conduit de Pise à Monte Cristo court d'abord parmi le plus gracieux paysage de vignes entrelacées à des mûriers. Des roseaux gigantesques frémissent au vent, des villas entourées de cyprès montrent des lions de marbre sur les colonnes de leur entrée, et toujours au fond se creusent les gorges de cette montagne dont parle Dante et qui empêche les pisans de voir Luc. Cacciando il lupo il lupicini al monte, perché i pisan veder Luca non pono. Voilà ce qui nous manque en France, dis-je à mon compagnon après lui avoir cité ces 2 vers. Un poète qui est attaché une légende de gloire au moindre coin de la terre natale. « Vous trouvez ? » répliqua-t-il. « Moi, ce côté Guy Joan m'a toujours dégoûté de la divine comédie. » Sur cette réponse, et voyant que sa gaieté de tout à l'heure était déjà passée, je commençais à regretter de l'avoir emmené. Je prévoyais que s'il se mettait à jouer du paradoxe, il ne désarmerait pas, et un jeune homme de cette sorte, une fois engoncé dans une attitude de vanité, s'y raidit de plus en plus, dut-il se faire très mal à lui-même. Je tombais donc dans le silence, et je m'efforçais de m'absorber davantage dans la nature qui déjà s'ensauvageait. La légère voiture allait au pas maintenant. Nous nous engagions dans une contrée presque sans végétation. Des mamelons nus se dressaient de toutes parts, énormes boursouflures d'argile grise ravinées par les pluies. Plus de ruisseaux, plus de vignes, plus d'oliviers, plus de villas, mais une véritable approche de désert. Le cocher était descendu de son siège. C'était un petit homme à la face carrée et fine qui interpellait sa jument grise du nom de Zara, et il transformait, comme tous les Toscans, le C dur du commencement des mots en H aspiré. « Questa cavalla, » disait-il en parlant de sa bête au lieu de « Questa cavalla, » cette jument. « Je l'ai achetée à Livourne, cher monsieur, » me racontait-il. Elle m'a coûté 200 francs parce qu'on la croyait boiteuse. Vous voyez si elle boite. Eh, Zara, courage! Elle me suit, cher monsieur, comme un chien. Aussi je l'aime, je l'aime! Ma femme en est jalouse. Mais je lui réponds, « La Tzara me gagne mon pain et toi tu me le manges. » Tenez, cher monsieur, regardez ces rochers. C'est là que Laurent de Médicis faillit être assassiné après le massacre des Pazzi. Et ça c'est curieux, dis-je à mon compagnon, cet homme qui n'est qu'un cocher de louage. Et dans la même phrase, il nous parle de sa jument Tzara et de Laurent de Médicis. Ah, ces Italiens! Comme ils savent l'histoire de leur pays, et comme ils en sont fiers. Oui, je sais, dit Philippe en haussant les épaules. Il y a un mot d'Alfieri sur eux. La plante humaine n'est plus verte ici qu'ailleurs. La vérité, c'est qu'ils apprennent dès leur bas âge à exploiter l'étranger. On les dresse à la chasse au pourboire. Ça n'a pas fini de téter que c'est déjà Cicérone. Ah, j'en écrirai un roman sur l'Italie moderne et sa colossale mystification. J'ai toutes mes notes. Je montrerai ce que c'est que ce peuple. Et il s'engagea dans une violente diatribe contre la douce contrée où résonne le si et que je continuerai pour ma part à voir toujours comme elle m'est apparue en 1874, pour la première fois, la patrie unique de la beauté. Cette sortie me rappelait davantage encore les conversations que j'entendais dans mes années de début, quand je fréquentais les cénacles des poètes et des romanciers à venir. Presque tous employés de ministère et cruellement enragés de leur vie médiocre, ils dépensaient des heures à s'injecter l'âme de fiel, inondant de leur mépris choses et gens, avec une espèce d'âcre éloquence qui, en ces temps-là, me faisait douter de tout et de moi-même. J'ignorais alors, ce que j'ai trop constaté à l'user, que cette éloquence est une forme de l'envie impuissante et qui déjà se sait-elle. Tout grand talent commence et finit par l'amour et l'enthousiasme. Les dégoûtés précoces sont des malheureux qui perçoivent d'avance leur stérilité future et ils s'en vengent déjà. Mon Dieu, comme j'aurais voulu que ce garçon me parlât, fût-ce avec une exaltation un peu ridicule, de cette Florence où il avait travaillé, où il avait été aimé, qu'il me parlât de cet amour surtout. Il avait si bien l'air de l'oublier, et au lieu de cela, il s'engageait, à propos de son livre sur l'Italie, dans des questions nouvelles sur le salaire des principaux auteurs. Est-il vrai que Jacques Molland est 1,50 francs par volume? On m'a dit que Vinci est payé 2 francs la ligne. Ah, le misérable! Ce que je discernais maintenant derrière cette critique aiguë et cette dureté excessive de désillusion, c'était le furieux désir de l'argent, et par une inconséquence pourtant explicable, je lui pardonnais ce sentiment-là plus que son ironie. Elle pèse si dur, la main de fer de la nécessité, sur une tête dans laquelle fermentent toutes les énergies de la jeunesse et qui voit dans un peu d'or l'affranchissement de sa personne intime. Et dire, conclut-il avec une amertume infinie, que mon père ne me donnera seulement pas les 3 premiers 1000 francs qu'il me faudrait pour passer 6 mois à Paris avant de débuter. Oui, cela me suffirait pour connaître mon terrain et livrer la première bataille. 3 000 francs. Ce que rapporte un médiocre comics, ici nouveau nom d'un auteur en vogue, 50 pages de copie. J'ai négligé de dire que dans l'entretemps il m'avait esquissé de son père et de sa mère un portrait peu flatté. Comment expliquer qu'avec tout cela il continua de m'intéresser? Il m'énonçait précisément les idées que je déteste. Il me montrait les sentiments qui me paraissent les plus opposés à ceux qu'un artiste jeune doit éprouver. Mais je le sentais souffrir, et je comptais sur leur tour, une fois son premier effet produit, pour reprendre mes sages conseils et rectifier, s'il était possible, 2 ou 3 de ses absurdes points de vue. D'autant que sa manière de s'exprimer et ses références achevaient de révéler une véritable culture et une intelligence plus que fine, forte et originale. Cependant, l'horizon était devenu plus farouche encore. Nous avions laissé derrière nous, très au loin, l'immense plaine où repose Pise. Le dôme et la tour penchée reparaissaient par moments, entre 2 pics, comme sculptés sur une carte en relief. Livourne alors se profilait là-bas et la mer toute bleue, tandis qu'autour de nous s'ouvraient en abîme ces grands trous creusés dans cette terre friable et que l'on appelle dans le pays des Balzais. Des cimes surplombaient, nues et menaçantes. Les bœufs qui paissaient, plus rares maintenant, n'étaient plus ces belles bêtes blanches de la Maremme aux longues cornes. Leurs cornes, à ceux-là, étaient courtes et retournées, leur robe grisâtre comme le sol. Pour la première fois depuis notre départ, Philippe Dubois dit quelques mots qui révélaient un abandon à la sensation présente. « Ne trouvez-vous pas que c'est un paysage couleur de bure et vraiment fait pour y construire un cloître ?» Presque au même instant, le cocher, dressé sur son siège, m'interpellait pour me crier « Monsieur, voici Montechiaro !» Et au bout de son fouet tendu, il nous montrait, dans un détour de la montagne, une vallée plus ravinée encore que les autres, au milieu de laquelle se dressait sur un monticule planté de cyprès une longue bâtisse construite en briques rouges. Par ce jour tout bleu, cette couleur des murs contrastait d'une manière si vive avec le noir des feuillages qu'elle justifiait aussitôt ce surnom de Monte Chiaro. Je n'ai vu qu'au mont Olivet, près de Sienne, un sanctuaire de retraite aussi farouchement placé loin de toute approche de vie humaine. D'après les renseignements du garibaldien de Pise, qui complétaient ceux des Anglaises, je savais que l'abbé avait accepté, dans ses plus humbles détails, la charge d'héberger les hôtes venus pour visiter le couvent sécularisé depuis 1867. « Quelle cuisine va-t-on nous faire dans cette ébahide ?» dis-je à mon compagnon, à qui j'avais expliqué les conditions d'après lesquelles nous allions passer cette soirée et le lendemain. « Puisqu'il y a un tarif de 5 francs par jour, répondit-il, ce prêtre ne serait pas de ce pays s'il n'en mettait pas 3 dans sa poche. « Enfin, un beau Benozzo Gozzoli vaut bien un mauvais dîner, » répliquai-je en riant. Une demi-heure après avoir ainsi aperçu du haut de la route cet ancien asile de bénédictins, autrefois célèbre dans toute la Toscane et aujourd'hui si tristement solitaire, la blanche jument Zara commençait à gravir la colline plantée de cyprès. Nous étions descendus pour mieux regarder les petites chapelles construites de 50 pas en 50 pas au bord de l'allée, saisies, mon compagnon comme moi, et quoi qu'il en eût, par la majesté mélancolique de cette approche de cloître. Je revoyais en pensée les innombrables frocs de laine blanche qui avaient défilé dans ces sombres avenues, les bénédictins du Monte Chiaro s'étant comme ceux de Monte Oliveto voués à la Vierge. Mon anglaise m'avait renseigné encore sur ce petit point de costume. Je songeais aux âmes simples, pour lesquelles ce farouche horizon avait marqué le terme du monde, aux âmes lasses et qui s'y étaient reposées, aux âmes violentes et rongées ici comme ailleurs, par l'envie, par l'ambition, par tous ces appétits d'orgueil que l'apôtre range avec tant de justesse entre les œuvres de chair. Mon absorption dans cette rêverie se fit si profonde que je fus comme réveillé en sursaut. Lorsque le cocher, qui marchait à ses dernières montées en tenant sa Zara par la bride pour l'aider et qui causait avec elle pour l'encourager, m'interpella tout d'un coup. « Cher monsieur, voici le père abbé qui vient au-devant de nous. Il aura entendu la voiture. »« Mais ces feuillets saints du palais royal !» s'écria Philippe. Et c'était vrai qu'ainsi aperçu sur le seuil du couvent et à l'extrémité de l'allée, le pauvre moine se présentait sous un aspect bien minable. Il portait une soutane délabrée, dont la nuance, primitivement noir, tournait au verdâtre. J'ai su depuis par lui-même qu'il avait été reconnu par l'État comme administrateur du couvent confisqué à la condition de renoncer au beau costume blanc de son ordre. Son grand corps long, que l'âge voûtait un peu, s'appuyait sur un bâton et son chapeau montrait la corde. Son visage, en ce moment tendu vers les nouveaux venus et tout glabre, ressemblait vaguement en effet à celui d'un acteur comique et un nez infini s'y développait. Un vrai nez de priseur de tabac, rendu encore plus long par la maigreur des joues et par le pli de la bouche où manquaient les dents de devant. Mais le regard du vieillard corrigeait aussitôt cette impression première. Quoique ses yeux ne fussent pas grands et que la couleur d'un verre brouillé en fût indécise, une flamme y brûlait, qui eût arrêté toute plaisanterie chez mon jeune compatriote, s'il avait eu la moindre expérience de ce que vaut une physionomie humaine. Sa phrase impertinente de mauvais plaisant me choqua d'autant plus qu'il l'avait prononcé à voix très claire dans le grand silence de cette fin d'après-midi d'automne. Mais dont Gabriel et Griffy savait-il le français et le sut-il? Que lui représentait le nom du pauvre comédien qui jouait si drôlement Marasquin dans Le mari de la débutante? Dans un éclair, à cause de cette maudite plaisanterie, les scènes de cette pièce délicieuse s'évoquèrent devant moi, quel contraste, et les 4 petites filles, qui disaient si gaiement sous le nez désespéré du même Hyacinthe, en levant leurs jolis pieds en l'air tout à la fois, « Sa femme l'a quitté, pour aller faire la noce, et allez donc !» Et cependant, l'ermite dont nous allions devenir les hôtes nous disait, lui, dans un italien excessivement élégant et pur, « Vous venez visiter le couvent, messieurs, mais pourquoi ne pas m'avoir prévenu par un mot? Tu n'as donc pas averti ces messieurs, Pasquale, qu'il faut m'écrire à l'avance » ajouta-t-il en s'adressant au cocher. « Mais j'ai cru que ces messieurs l'avaient fait, père abbé, quand le secrétaire de leur hôtel me les a confiés pour les conduire ici. »« Enfin, ils mangeront ce qu'il y aura. » et s'adressant à nous avec un bon sourire et montrant le ciel. « Quand les choses vont mal, il faut fermer les yeux et se recommander là-haut. » Je balbutiais, moi, dans un italien médiocrement correct, une excuse que le père coupa d'un geste. « Venez d'abord voir vos chambres. Pour vous consoler du repas que vous serez obligé de manger, je vais vous faire abbé généraux. » Il riait de nouveau en hasardant cette innocente plaisanterie que sur le moment je ne saisis pas bien. J'étais d'ailleurs pris trop complètement par le spectacle singulier qu'offrait, aux clartés du soleil baissé, ce vaste édifice tout rouge et dont je pouvais mesurer la grandeur en même temps que j'en constatais la solitude. Montechiaro était bâti en plusieurs époques, depuis le jour où le chef de la famille della Gherardesca, l'oncle même du tragique Ugolin, se retira dans cette vallée perdue pour y faire pénitence avec 9 compagnons en 1259. Au dernier siècle, plus de 300 moines y logeaient à l'aise, et l'abbaye se suffisait à elle seule avec son four à pain, son vivier, ses pressoirs, ses écuries. Mais les innombrables fenêtres de cette grande ferme pieuse étaient maintenant toutes closes, et la couleur blanchâtre de leurs volets, jadis peint en vert, attestait l'abandon, comme l'herbe poussée sur la terrasse devant l'église, comme le voile de poussière tendu sur les murs des corridors, dans lesquels nous nous engageâmes à la suite de Don Griffi. Les moindres détails de l'ornementation disaient l'ancienne puissance de l'abbaye, depuis le vaste lavabo de marbre à tête de lion, placé à l'entrée du réfectoire, jusqu'à l'architecture des 3 cloîtres successifs et tous les 3 décorés de fresques. Mais ce premier coup d'œil suffisait pour reconnaître dans ses peintures le goût pédant du XVIIe siècle italien, et peut-être ce coloriage académique recouvrait-il quelque autre chef-d'œuvre spontané d'un Gozzoli ou d'un Orcagna. Nous gravîmes les marches d'un escalier le long duquel pendaient des toiles noircies par le temps, entre autres, un charmant chevalier de Timoteo della Vite, le vrai maître de Raphaël, échoué là par quelle aventure. Puis nous enfilâmes un nouveau corridor, au premier étage cette fois, troué de portes de cellules avec les inscriptions « Visitator primus, visitator secundus » et ainsi de suite, pour nous arrêter devant une dernière en haut de laquelle se voyaient une mitre et une crosse. Le père, qui n'avait pas prononcé un mot depuis le seuil, sinon pour nous indiquer le Timoteo, nous dit en français cette fois, avec un léger italianisme et très peu d'accent, « C'est ici un des quartiers que je donne aux hôtes. » Et, nous introduisant, « Voici les 5 pièces que tous les supérieurs ont occupées pendant 500 ans. » Je regardais du coin de l'œil le sieur Philippe, qui avait pris une physionomie assez penaude en constatant chez notre guide une connaissance aussi complète de notre langue. Il s'était de nouveau permis, le long des corridors, 2 ou 3 plaisanteries d'un goût très douteux. L'abbé les avait-il remarquées et tenait-il à nous prévenir qu'ils comprenaient nos moindres paroles? Ou bien voulait-il, par une simple attention d'hospitalité, nous éviter l'effort de chercher nos mots? Il me fut impossible de le deviner au grand trait immobile de son visage. Il paraissait tout entier absorbé par les souvenirs que l'aspect de cette vaste pièce voûtée éveillait en lui. Quelques chaises modernes, une table carrée et un canapé la meublaient pauvrement. Une porte entr'ouverte à l'un des angles laissait voir un autel avec des toiles enfumées, sans doute celui où le supérieur disait ses prières. Une autre porte, en face et grande ouverte, montrait 2 autres chambres en enfilade, chacune avec un lit de fer, des chaises aussi et des cuvettes posées à même sur de chétives commodes. Le carreau n'était même pas passé au rouge. Des fentes lézardaient le bois de ses portes et celui des fenêtres. Mais un paysage se découvrait, véritablement sublime. C'était, sur une hauteur, en face, un hameau aux maisons serrées, et de ce hameau jusqu'au monastère une végétation descendait, merveilleuse, non plus de morne cyprès, mais de chênes dont le feuillage vert s'empourprait par places. D'autres traces de culture se découvraient dans le bas de ce vallon, placé au midi, où des oliviers alternaient avec les chênes. Là, évidemment, avait porté tout l'effort des moines exilés dans cette thébaïde. Au-delà de cette oasis, la solitude recommençait, plus sévère encore, et dominée par le pic le plus élevé de ces montagnes pisanes, par cette Berruca où s'écroule un château ruiné, repère de quelques seigneurs contre lequel avait dû être construit le bastion carré qui défendait le couvent de ce côté-là. Ce petit fortin carré profilait aussi derrière cette fenêtre le renflement de son crénelage en pierre rousse, détaché sur le bleu du ciel semé de nuages roses. Mon compagnon ne songeait plus à plaisanter. Frappé comme moi, au plus vif de sa nature artiste, par la sévérité gracieuse de cet horizon qu'avaient dû regarder dans des heures pareilles, les yeux aujourd'hui fermés, de tant de moines. Les uns occupés uniquement de l'autre monde, et ceux-là entrevoyaient dans des ciels rosés de ce doux rose, les mirages de roses paradis, au lieu que d'autres, des ambitieux et des dominateurs, rêvaient à cette place, et dans ce silence, le chapeau de cardinal, la tiare peut-être. Puis, le vaste et profond silence de la mort. Ces vers des contemplations me revint à la mémoire, comme à chaque rencontre avec le passé, quand je subis cette sensation presque douloureuse que donne un contact trop immédiat avec ce qui fut et qui ne sera plus jamais. Cela dura une minute à peine, mais pendant cette minute, la vie ancienne du monastère s'évoqua pour moi tout entière, incarnée dans les songes humbles ou superbes de ceux qui en avaient été les princes, et qui maintenant avaient pour successeur unique le vieil abbé, à la soutane usée, aux souliers non cirés, qui, rompant le premier le silence, nous disait « N'est-ce pas que cette vue est admirable? Il y a 40 ans que j'habite le couvent, sans en sortir, et je ne m'en suis pas lassé. » « 40 ans ? » m'écriai-je, presque malgré moi, et sans en sortir. « Mais vous avez fait quelques voyages. »« C'est vrai, 2 en tout, » répondit-il, « chacun de 6 jours. » Je suis retourné à Milan, dans mon pays, à la mort de ma sœur qui m'a demandé pour lui porter les sacrements. Pauvre sainte âme d'ange! Et je suis allé à Rome pour la remise du chapeau à mon vieux maître, le cardinal Pelloro. Oui, continua-t-il en fixant dans l'espace un point imaginaire, je suis arrivé ici en 1845. Comme Montechiaro était beau alors, et quelle messe chantée! Avoir vu ce couvent comme je l'ai vu, et le voir comme je le vois, c'est retrouver un corps sans âme, là où on avait connu la jeunesse et la vie. Mais patience, patience. Multa renescentur, quaiam cecidere, cadenque, quae nunc sunt in honore. Allons, messieurs, je vous quitte pour aller commander votre dîner. Luigi vous apporte vos valises. Avec lui, vous savez, patience, patience, il faut fermer les yeux et se recommander à Dieu. Don Gabriele Griffi sortit sur ce conseil et cette citation. Il n'eut pas plutôt passé le seuil de la porte que Philippe se laissa tomber sur un des fauteuils en riant de son éternel mauvais rire. « Ma foi, dit-il, ce grotesque-là valait le voyage. Je ne sais pas où vous voyez du grotesque dans ce que vous a dit ce prêtre, lui répondis-je. Il vous a raconté fort simplement l'histoire de son couvent, qui ne peut pas ne pas être une grande douleur pour lui, et il la supporte avec l'espérance d'un vrai croyant. J'ai près de 15 ans de plus que vous. J'ai couru le monde, comme vous le courez sans doute, à la poursuite de bien des chimères, et je sais, hélas, qu'il n'y a rien de plus sage et de plus beau ici-bas qu'un homme qui travaille à la même œuvre, avec le même idéal, dans un même coin de terre. Amen, conclut mon jeune compagnon en riant davantage. Que voulez-vous? Ces belles messes chantées, son maître le cardinal, l'âme d'ange de sa sœur, et brochant sur le tout ses citations d'Horace et ses fonctions de maître d'hôtel. Car enfin, nous la payons bien, son hospitalité, et ça vaut bien une lire à la nuit, ce taudis-là, continua-t-il en me prenant la main pour m'entraîner dans la première des 2 chambres à coucher. Mais, conclut-il avec ironie, puisque cela vous déplaît, cher maître. L'étrange garçon. Je ne puis mieux comparer la sensation qu'il me causait qu'à celle d'un volet qui grince à tous les vents. À chaque nouvelle impression de la vie, il semblait que ses nerfs rendissent un son faux. Mais ce qu'il y avait de déconcertant, et que je ne crois pas avoir assez vanté chez lui, c'était la flamme d'intelligence qui courait à travers ces boutades d'un enfant de méchante humeur et peu élevé. J'ai négligé de dire que le long de la route, il m'avait étonné par 2 ou 3 remarques sur la composition géologique du pays que nous parcourions, et s'étant avancé sur un balcon qui desservait nos 2 chambres, voici qu'il commença, devant le petit fortin qui défendait l'abbaye, à me parler de l'architecture florentine, comme quelqu'un qui a bien lu et bien regardé, ces 2 actions trop rares. Ses connaissances, si étrangères à celles qui révélaient ses diplômes, achevaient de me prouver une étonnante souplesse d'intelligence, à moi qui avais déjà constaté son énorme érudition de la haute et basse littérature contemporaine. Mais cette intelligence paraissait lui appartenir comme un bijou, ou mieux, comme une machine. Elle était extérieure à lui, elle n'était pas lui. Il la possédait et elle ne le possédait pas. Elle ne lui servait ni à croire ni à aimer. Involontairement, je le comparais à ce don Gabriele Griffi qu'il venait de railler. Certes, ce pauvre moine ne semblait guère briller par la subtilité intellectuelle, mais je l'avais aussitôt senti si vrai, si sincèrement dévoué à sa mission, à cette surveillance de son cher couvent jusqu'au retour espéré de ses frères. Des deux, quel était le jeune homme, quel était le vieillard, si la jeunesse consiste à embrasser son idéal d'une forte, d'une invincible étreinte? Mais, tout consumé d'ironie et de nihilisme précoce, mon jeune compagnon était du moins de son propre avis. S'il formait une antithèse avec le pauvre prêtre préposé à la garde du monastère vide, c'était une antithèse franche, l'opposition de cette moitié de siècle à l'esprit simple et pieux des temps anciens. N'étais-je pas plus malheureux encore, moi, qui aurais passé ma vie à comprendre également l'attrait criminel de la négation et la splendeur de la foi profonde, sans jamais m'arrêter ni à l'un ni à l'autre de ces deux pôles de l'âme humaine? Ces réflexions s'imposèrent à moi davantage lorsque je me trouvais assis vers les 7 heures au repas que l'abbé avait fait préparer pour nous dans une grande salle qui servait autrefois, nous dit-il, de réfectoire aux novices. Une lampe de cuivre à 4 becs et d'ancienne forme, avec son accessoire de mouchettes, d'aiguilles et d'étais noirs pendus à des chaînettes du même métal, éclairait d'un jour un peu fumeux le coin d'une énorme table garnie de carafes aux armes du couvent. Chacun de nous en avait 2 à côté de lui, une remplie de vin et l'autre d'eau. C'étaient les bouteilles qui mesuraient aux moines la parcimonieuse quantité de liquide accordée à leur soif. Un plat de figues fraîches et un plat de raisin étaient là pour notre dessert. Des assiettes déjà remplies de potage nous attendaient et du fromage de chèvre dans une assiette. Du jambon cru dans une autre, du pain rassis dans une 3e et des châtaignes bouillies complétaient ce menu dont la frugalité provoqua chez le vieux moine une citation latine du même ordre que la précédente. Il avait dit le bénédicité en s'asseyant avec nous. Fit-il en nous montrant les assiettes auxquelles s'appliquait le vers du Virgile. Je l'attendais, me chuchota Philippe, qui, de son plus grand sérieux, commença de discuter avec notre hôte sur la nourriture des anciens. J'appréhendais, non sans raison, que cette amabilité apparente ne servît d'acheminement à quelque mystification. Mais quand vous n'avez pas d'hôte de passage, « vous mangez seul ici, mon père ?» demanda-t-il. « Non, dit l'abbé, il y a encore 2 autres frères dans le couvent. On nous avait laissé 7. 4 sont morts de chagrin tout de suite après la suppression. Nous avons tous été malades les uns et les autres, et nous nous soignons entre nous comme nous pouvions. Mais Dieu n'a pas voulu que nous disparaissions tous. « Et quand vous et les 2 frères ne serez plus là ?» insista Philippe. « Con gallo e senza gallo, Dio fa giorno. » dit en italien le prêtre sur le front duquel passait un nuage aussitôt dissipé. Cette question le touchait cruellement à la place la plus sensible de son être. « Avec ou sans coq, Dieu fait le jour », traduisit-il. « Mais à quoi occupez-vous votre temps, mon père ? » repris-je à mon tour, en proie à la curiosité la plus vive devant l'évidence d'une foi si profonde que je m'imaginais être en présence d'un homme du Moyen-Âge. « Ah, je n'ai le loisir de rien, » fit Don Griffy. J'ai pris à ferme, tel que vous me voyez, le couvent et toutes les terres autour. J'emploie 15 familles de paysans à les cultiver. Depuis le matin, c'est un défilé chez moi, dans ma cellule, qui ne me laisse pas 1 heure. Et c'est des comptes à régler, c'est des confessions à recevoir. C'est un remède qu'ils viennent me demander. Je suis un peu médecin, un peu pharmacien, un peu juge, un peu instituteur. Oui, c'est encore des enfants à qui je donne des leçons. Ainsi, Luigi est un de mes élèves. Il ne me fait pas honneur, mais c'est un bon garçon. Et Cicérone, et c'est des étrangers à qui montrer le couvent. Oh, pas beaucoup. J'ai rencontré justement à Pise 2 demoiselles anglaises, Miss Dobson et Miss Roberts, qui venaient de Montechiaro, lui dis-je. Eh, fit-il en riant, ce sont mes 2 rougets. Je les appelle comme cela à cause de leurs cheveux rouges. Ce sont des protestantes, mais de bonnes âmes tout de même. Lascia fare, addio che santo vecchio. Elles vont à Rome, je leur ai dit. Saint-Pierre est un pêcheur. Puisse-t-il prendre mes 2 rougets dans son filet? L'Angleterre se rapproche de Dieu chaque jour, depuis le puséisme, continua-t-il en se frottant les mains. Vous verrez peut-être ce beau spectacle, vous qui êtes jeune. Tous les chrétiens sous un même père. Ensuite viendra l'Antéchrist, ensuite le jugement dernier, et puis ce sera la grande paix. Ses yeux brillaient d'un feu de vision tandis qu'il prononçait ces mots. Un des croyants de l'an 1000 n'était pas plus fervent. Nous nous regardâmes, Philippe et moi. Je vis dans son regard à lui une malice, et je l'écoutais, avec stupeur, répondre. « Chez nous aussi, mon frère, le catholicisme fait beaucoup de progrès. Nous avons eu quelques bien édifiants exemples de sainteté, notamment un écrivain, M. Baudelaire, et quelques-uns de ses disciples. Ils sont si humbles qu'ils s'appellent eux-mêmes décadents. Ils écrivent des hymnes qu'ils récitent en commun. Ils ont des journaux qui prêchent la bonne parole. Et rien n'est plus édifiant qu'une pareille foi dans un âge si jeune. « Voilà ce que je ne savais pas, » répondit le père. « Décadents, avez-vous dit ?»« Oui, » continua Philippe, « qui descendent, qui cherchent ceux d'en bas. »« Je comprends, » fit le père. « Ils se repentent, ils ont raison. » Nous avons un proverbe en Italie, « Non bisogna aver paura che dei suoi peccati. » Il ne faut avoir peur que de ses péchés. « Cher père, » dis-je pour couper court à l'absurde plaisanterie de mon jeune compagnon, et comme notre sobre souper s'achevait, « ne verrons-nous pas dès ce soir les fresques de Gozzoli dont ces demoiselles anglaises m'ont parlé ? Vous ne les jugerez peut-être pas très bien à la lumière, » dit Dom Griffi. Puis le plaisir de montrer sa découverte l'emportant, « mais vous les reverrez encore demain. Ah, quand les moines reviendront, comme ils sont heureux de ces belles peintures. J'espère avoir le temps de les nettoyer entièrement cet hiver. Luigi, va chercher le bâton avec la cire. Tiens, à la chapelle, avec cette clé. » Et il tira de sa poche un trousseau d'énormes clés. « Il faut beaucoup fermer de portes ici, » dit-il, « avec ces paysans qui vont et qui viennent à toute heure. C'est de braves gens, mais il ne faut pas tenter le pauvre. » Luigi revint bientôt, apportant une espèce de rat-cab attaché à l'extrémité d'un bâton qui servait visiblement à allumer les cierges. Le moine se leva, érudit le bénédicité, puis, avec une gaieté d'enfant, il prit la lampe par l'anneau d'en haut. « Je marche devant vous, » reprit-il en riant. Et comme nous allons entrer dans un vrai labyrinthe, vous pouvez dire avec Dante « Per la impaccia via, retro al mio duca » par la voix embarrassée derrière mon guide. « Encore le Dante ?» me soufflait Philippe à l'oreille. « Ces animaux-là ne peuvent rien faire, pas même manger un morceau de gorgonzola, de leur infâme fromage vert, sans qu'il leur vienne un verre de leur grand niais de Florentin qui s'appelait Durante, c'est-à-dire Durand. Saviez-vous cela ? C'est Balès qui a trouvé cette bonne plaisanterie. La divine comédie signée Durand. J'ai envie de servir cette fumisterie à notre hôte. Vous tombez mal, repris-je. Je vous ai déjà dit mon admiration pour ce grand poète. Je sais, fit-il, c'est votre côté idolâtre, dévotieux et sacrificateur. Mais moi, voyez-vous, je suis d'une génération d'iconoclastes. Voilà toute la différence entre nos deux bateaux. Tandis que nous échangions ces propos à mi-voix, la soutane de notre guide, fantastiquement éclairée par la lampe dont les flammes sans protection tremblaient à l'air, s'enfonçait dans d'interminables corridors. Nous montions un escalier, nous en descendions un autre, nous contournions les arceaux d'un cloître. Parfois, un oiseau de nuit s'envolait à notre approche, ou bien un chat courait, silencieux et effrayé. S'il eût fait un rien de clair de lune, c'eût été un extrait matin dans le romantisme à en subir le cauchemar, que cette promenade à travers cet énorme couvent. J'y évoquais en pensée les religieux des autres siècles qui avaient passé là, aux heures des ténèbres, pour les offices de nuit. Notre guide lui-même m'apparaissait à 40 ans en arrière, suivant les mêmes corridors dans la file de ses frères, jeunes, fervents de croyance, épris de son ordre. Quel souvenir devait s'agiter en lui, maintenant qu'il survivait presque seul dans le vaste bâtiment abandonné ? Eh bien non, non, il était gai dans ce désastre, presque jovial, par la fermeté de sa foi. Quelle puissance dans ce phénomène si mystérieux qui constitue la croyance absolue, entière, inattaquable. Mais déjà Don Griffi s'était arrêté à une porte. Il cherchait de nouveau une clé dans le trousseau de geôlier qu'il tenait de sa main libre. La vieille serrure cria sur ses gonds, et nous entrâmes dans une autre pièce où la lumière tremblotante des quatre becs de la lampe éclaira vaguement deux murs peints à fresque et un quatrième qui, au premier regard, me parut encore tout blanc de chaud. « Mon enfant, » disait l'abbé à Luigi, « donne-moi le rat-cave que je l'allume. Tu ferais encore tomber de la cire sur ma soutane qui n'en a pas besoin. » Il avait en effet posé la lampe à terre et soigneusement vérifié la tache du lumignon au bout de la gaule. Puis, ayant mis le feu à la petite mèche, il commença de faire aller et venir cette flamme le long du mur, et comme par magie, les divers morceaux de la peinture du vieux maître se remirent à vivre à cette clarté. Le vieux moine la promena, cette petite flamme, sur un premier mur, et nous vîmes la plaie saignante du Christ, la main de l'apôtre blessant encore cette blessure, le douloureux regard du Sauveur, et sur le visage de saint Thomas un mélange de remords et de curiosité, et des anges emportaient au ciel les instruments de la passion avec des larmes sur leurs fines joues. Nous vîmes, sur un autre mur, détail par détail, les broderies d'or et la tunique verte de Gondophorus. Les pierreries précieuses débordaient des vases offerts à l'apôtre, tandis que des paons déployaient leurs queues ocellées sur des balcons, que des perroquets bariolés perchaient aux branches des arbres et que des seigneurs chassaient, traînant des guépards à la chaîne, dans des chemins de montagne. Et la petite flamme continuait d'errer, pareille à un feu follet. Quand elle avait passé, le coin tiré de l'ombre vague y rentrait soudain. Juger l'ensemble de cette œuvre était impossible, mais entrevue ainsi, elle avait un charme de fantastique étrangement approprié au lieu et à l'heure, d'autant plus que Don Griffy, en nous montrant ainsi ces deux fresques, obéissait enfantinement au passionné plaisir qu'elle lui procurait. Il jouissait de le revoir, comme un avare qui manie les diamants de son trésor. N'était-ce pas sa création, à lui, le précieux joyau dont il avait enrichi son cher couvent? Et il parlait, mimant ses phrases avec les rides de sa vieille face expressive. Voyez le doigt de l'apôtre comme il hésite, et le geste de notre Seigneur et sa bouche. On fait ainsi, voyez, quand on a très mal et que le médecin vous touche. Et le paysage, dans le fond, reconnaissez-vous la Verruca et la colline de Monte Chiaro? Tenez, à droite, là, ce sont vos chambres, et ces anges, comme leurs yeux sont devenus plus petits. Ils pleurent, mais ils ne veulent pas pleurer, comme cela, et leur nez se fronce un peu, comme ceci. Et le roi noir, regardez ses boucles d'oreilles. Un de nos pères, qui est mort ici, après la suppression, Dieu et son âme, avait fait quelques fouilles dans le voisinage d'un de nos couvents près de Volterra. Il a trouvé un tombeau étrusque et des boucles d'oreilles toutes semblables à côté d'une tête de squelette. Je les ai gardées, je vous les montrerai. Et ceci. En ce moment, il se retourna, et je vis qu'il dirigeait la lumière vers un coin à droite, sur le mur que j'avais d'abord jugé tout blanc. La flamme magique éclaira sur cette blancheur une place grande comme la moitié de la main. Le hasard avait voulu qu'en commençant un essai de nettoyage, aussitôt interrompu, le vieux moine eût découvert juste la moitié d'un visage de Madone. La ligne du menton, la bouche, le nez et les yeux. Ce sourire et ce regard de la Vierge ainsi dévoilé, sur ce large mur passé à la chaux, saisissaient comme une apparition surnaturelle. La petite flamme vacillait un peu, attachée comme elle était à un bâton tenu par des mains de vieillard, et il semblait que les lèvres de la Madone remuaient, que ses joues respiraient, que ses prunelles tremblaient. On eût dit qu'une femme réelle était là, qu'elle allait secouer ce linceul de plâtre et se révéler à nous dans la libre grâce de sa jeunesse. Notre hôte se taisait maintenant, mais sa physionomie à lui exprimait une piété d'admiration si profonde que je compris pourquoi il ne se hâtait pas de débarrasser du badigeon le reste de la fresque. Son sens d'artiste ingénu et la ferveur de sa foi lui faisaient sentir la poésie de ce divin sourire et de ses divins yeux comme emprisonnés dans ce revêtement brutal. Nous nous taisions. Philippe était maintenant vaincu par la force de l'impression et je l'entendis qui murmurait « Mais c'est de l'Edgar Poe, c'est du Shelley. » Le père abbé, qui ne connaissait certes de nom ni l'un ni l'autre de ces deux auteurs, répondit naïvement, sans se douter qu'il formulait une trop juste critique sur la phrase et la sensation de son jeune voisin. « Mais non, c'est du Gozzoli. Je vous montrerai la preuve dans Vasari. Et savez-vous ce qu'il y a derrière? Certainement le miracle de la ceinture. »« Quel miracle ? » lui demandai-je. « Comment ? » fit-il avec une stupéfaction visible. « Vous n'avez pas vu au dôme de Pistoie la ceinture de la bienheureuse Sainte Vierge qu'elle a jetée à Saint Thomas après son ascension ?» Il était absent lorsqu'elle monta au ciel en présence des autres apôtres. Il revint au bout de 3 jours, et comme il doutait encore de la vérité de ce qu'il n'avait pas vu, la Madone eut la bonté de laisser tomber devant lui cette ceinture pour qu'il ne doutât plus jamais. Il nous racontait cette légende, qui prouve entre parenthèses que la vieille religion chrétienne avait prévu même les annalistes et leur salut possible, tout en soufflant le rat-cab qu'il rendit à Luigi et en verrouillant de nouveau la porte. La simplicité de conviction avec laquelle il parlait de ce miracle finit de m'attester qu'il vivait dans le surnaturel comme nous autres, enfants du siècle, nous vivons dans l'inquiétude et la moquerie. Je ne pus m'empêcher de le comparer en imagination au menu fragment de fresque qu'il venait de nous montrer sur le 3e mur. ce coin de peinture suffisait pour animer ce vaste morceau de plâtre blanc, et lui seul, dont Gabriel est, suffisait par sa seule présence pour animer ce vaste couvent désert. Il en était réellement l'âme, je le sentais à présent, et une âme qui représentait, au sens exact du mot, toutes les âmes de ses frères absents. J'ai vu, dans mon enfance, un officier de la grande armée passer sur un des trottoirs de la ville où je grandissais. Ce vieux brave traînait la jambe, ayant été blessé à Leipzig. Il était pauvre, et sa rosette ornait un habit bien râpé. Il était cependant pour moi l'épopée entière de l'Empire, parce que je savais que l'empereur l'avait décoré de sa main. J'éprouvais une impression analogue à suivre maintenant Don Griffy. Il portait tout son ordre dans le pli de sa vieille soutane que Luigi soignait si mal. Telle est la grandeur que nous donnent les abdications absolues de notre personnalité au profit de quelque œuvre très large et très haute. Nous nous renonçons, et nous nous grandissons à la fois, par une loi que les sociétés modernes, éprises d'individualisme grossier, méconnaissent étrangement. L'homme ne vaut que par son immolation à une idée, et qu'est-ce qu'une armée, qu'est-ce qu'un ordre, sinon une idée organisée et qui s'est assimilée ainsi des milliers d'existences. Chacune de ces existences participe à son tour aux forces réunies de toutes les autres. Qu'eût été Don Griffy sans son couvent? Sans doute un antiquaire à petit esprit et qui eût catalogué quelques musées, car son exaltation à peine passée, et tandis que nous remontions vers notre appartement, il nous tenait lui aussi de ses discours de collectionneur, qui oublie le fond de l'œuvre d'art pour discuter seulement ses alentours, ses ressemblances et son authenticité. Il a été traité souvent, disait-il, ce sujet de la Madone à la ceinture et de saint Thomas. Vous trouverez à l'Académie de Florence un charmant bas-relief de Luca della Robbia, où la Madone entourée d'anges donne cette ceinture à l'apôtre. Francesco Granacci a traité ce même motif deux fois. Et Fra Paolini de Pistoia et Taddeo Gaddi, et Giovanni Antonio Soliani et Bastiano Maninardi, ce dernier à Santa Croce. Les Rouget m'ont déjà envoyé des photographies de toutes ces peintures. Rien qu'à la tête de la Vierge, je suis sûr que celle de notre Benozzino sera la meilleure. Mais voulez-vous entrer dans ma cellule? Je vous montrerai les boucles d'oreilles et la petite collection de Don Pio Schedone. Nous acceptâmes, poussés, Philippe Dubois peut-être par un fond d'archéologue persistait en lui sous le futur écrivain, et moi, par la curiosité de voir la figure des objets parmi lesquels vivait notre hôte. La première pièce où il nous introduisit trahissait par son désordre l'incurie du phalloserviteur qui répondait au nom de Luigi. Des livres s'y empilaient, dont la grosseur et la reliure révélaient des pères de l'église. À côté, une paire de tenailles, des marteaux et une boîte remplie de vis, de clous et de ferraille témoignaient que Don Griffy savait au besoin se passer d'ouvrier pour quelques raccommodages de meubles ou de serrures. Des citrons séchés dans une assiette, des fiaschis à la paille noircie et souillée devaient contenir les échantillons des dernières récoltes en huile et en vin. Un de ces vases de terre brune, que les femmes de Toscane appellent un scaldino, et qu'elles remplissent de braise pour s'y chauffer les mains en le tenant par son anse, représentait le confort unique de ce cabinet carrelé, où un chat très noir se prélassait paresseusement. Sans doute, quelques voyageuses anglaises reconnaissantes avaient envoyé au pauvre moine le petit appareil d'argent à faire le thé, seule élégance de ce rustique Capharnaüm. Mais Luigi, s'étant bien gardé de nettoyer le métal de la cafetière, même ce petit ustensile noircissait sur son étagère. Un grand crucifix, posé sur son pied, dominait la table où des feuillets s'entassaient, couverts d'une large et ferme écriture. « Ce sont les sermons de mon maître que je me suis chargé de recopier, » dit donc Gabriel. « Le bon cardinal est aveugle, et il voudrait que son œuvre fût achevée d'imprimer avant sa mort. Il a 87 ans. » « Ah, son écriture est terriblement perfide, » ajouta-t-il avec un nouvel italianisme. « Et puis, j'ai si peu de temps. Heureusement, je ne dors que 4 heures par nuit. « Voyons, Nero, laisse cette chaise, mon Michino, mon Murzi. » Il parlait au chat comme Pasquale à sa jument, et comme s'il eût compris, Nero s'élança de sa chaise sur les papiers qui contenaient les titres du vieux cardinal à la gloire. « Bon, asseyez-vous là, » me dit-il, « et vous, seigneur Filippo. » Il nous avait demandé nos prénoms dès le commencement du dîner, pour ne plus nous nommer qu'ainsi, avec l'aimable familiarité de son pays. « Voyons, » continua-t-il, « où est cette diablesse de cassette? Bon, sous ce volume des Pères où j'ai cherché l'autre jour cette citation dans le traité de saint Irénée contre les gnostiques, il s'agissait de basiliciens qui prétendaient se dérober aux martyrs sous le prétexte que nous ne devons pas faire connaître nos idées aux vulgaires. Ah, l'orgueil, l'orgueil! Vous le trouverez à la base de toutes les hérésies et de tous les sophismes. Et c'est si bon de croire, c'est si simple surtout. Mais tenez, voilà la boîte, elle est toute ouverte. Je ne ferme rien de ce qui est ici, parce que c'est à moi et non pas au couvent. Allons, où sont ces anneaux? Il avait en effet, durant ce discours, dégagé un coffret de cuir, dont la fermeture avait dû être assez compliquée, pour qu'une fois faussée, elle eût défié les pauvres ouvriers de ce trou perdu. Le couvercle levé, nous pûmes voir que l'intérieur contenait un assez grand nombre de menus objets soigneusement recouverts d'enveloppes de papier toutes étiquetées. La forme ronde de la plupart de ces plis indiquait suffisamment que la collection de feu dont Pio Schedone se composait surtout de médailles. Je constatai avec étonnement que le travail des boucles d'oreilles étrusques était très fin. Je pris au hasard un des petits paquerons et je lus sur son papier « Julii Caesarius Aureus ». Je crus reconnaître, en examinant la pièce d'or, qu'elle était absolument authentique. Je l'attendis à Philippe, qui me fit remarquer la tête de Marc-Antoine sur le revers et qui me dit « C'est une très belle monnaie, extrêmement rare. » J'en pris une seconde, une troisième, et je tombai avec un étonnement encore plus grand sur un Brutus, dont je me trouvais par hasard savoir la valeur. Voici comment. Ayant l'année précédente, à faire mes cadeaux de 1er janvier, j'avais eu l'idée d'offrir à quelques-unes des dames chez lesquelles j'avais dîné de petites médailles pour les suspendre à leurs bracelets, et mon cher ami Gustave S., un des plus distingués numismates de leur présente, avait bien voulu m'accompagner à cet effet chez un marchand spécial. Là, j'avais beaucoup admiré cette pièce d'or qui porte d'un côté la tête de Brutus le jeune et de l'autre celle de Brutus l'ancien. Mon ami S. n'avait pu s'empêcher de sourire de mon ignorance quand, ayant dit « Je prendrai volontiers celle-là », l'antiquaire me répondit « Pour vous, monsieur, à cause de monsieur, ce sera 1300 francs. » Et cette pièce, cotée de la sorte sur la place, elle était là, parmi 60 autres, dans le coffret de Don Pio. Je ne pus retenir une exclamation, et je montrai la monnaie à Philippe en lui racontant ce que je savais de son prix. « Je m'en serais douté, » me dit-il, « car j'ai un peu étudié aussi la numismatique, et remarqué qu'elle est en parfait état et à fleur de coin. « Mais vous avez là un trésor, mon père, » dis-je à Don Griffy, qui m'avait écouté sans avoir trop l'air de prendre au sérieux mes paroles, et j'insistais, lui expliquant les raisons pour lesquelles je croyais pouvoir lui affirmer la valeur d'une au moins de ses pièces et la compétence de mon compagnon. « C'est ce que me répétait Don Pio, » fit-il en changeant peu à peu d'expression. Il avait ramassé ses monnaies de côté et d'autre dans ses fouilles. Quand le pauvre Pio est mort, c'était le temps le plus dur. Nous venions d'être frappés, et j'ai eu tant à faire que j'ai négligé de faire examiner sa collection par le professeur Marchetti, que vous aurez vu à Pise. Je l'avais tout à fait oublié, et sans le roi Gondophorus, je n'aurais jamais songé à les regarder seulement. C'est l'autre jour, en dérangeant ses bouquins, que je me suis souvenu d'avoir vu entre les mains de Don Pio une paire de boucles d'oreilles assez étranges. Je cherche dans le coffret, je les trouve, je vous en parle. Ma foi, ajouta-t-il en se frottant joyeusement les mains, je voudrais beaucoup que vous eussiez raison. Il y a une terrasse qui menace ruine près du donjon, et le gouvernement me refuse de l'argent. Avec 4000 francs, on en viendrait à bout, mais 4000 francs. Et il hocha la tête avec incrédulité en montrant le coffret. Mon Dieu, lui répondis-je, à votre place, je consulterai vraiment le professeur dont vous parlez, mon père, car je trouve encore là un Aureus de Domitien avec un temple à son revers, que je crois bien avoir vu aussi parmi les pièces rares. « Rarissime, » dit Philippe, qui examina la monnaie de très près. « Et ce dit des Juliens ? Rarissime aussi, et c'est dit Diaclara. Ce sont de magnifiques échantillons. Il est probable qu'un paysan aura tout simplement trouvé près de Volterra quelques trésors d'une légion perdue à la suite d'une déroute et vendu le tout à Don Pio. Si c'était vrai, dit l'abbé en se frottant de nouveau les mains, ça prouverait une fois de plus que le cher cardinal a bien raison de répéter « Dio non manda mai bocca, che non mandi cibo. » Dieu n'envoie jamais de bouche sans envoyer aussi de la nourriture. J'ai tant prié pour cette terrasse. C'est là que les frères malades allaient prendre le soleil à leur convalescence. J'écrirai donc à M. Marchetti de venir me rendre visite aussitôt qu'il pourra. Ah, c'est un de mes amis, et qui se plaît tant à Montechiaro. Demain matin, à ma messe, je remercierai le Seigneur et je prierai aussi pour vous. Bon. J'allais oublier de prévenir Luigi qu'il doit être prêt à me la servir à 6 heures. À 7, j'ai des rendez-vous.